auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette mosaïque. Une mosaïque ce soir, eh bien, d'enregistrements divers et variés, d'extraits de livres, de journaux, d'articles, voilà. Hein. Et puis de la musique et des chansons, bien sûr. Nous allons commencer par un communiqué que j'ai reçu lundi 12-6-2017, donc lundi dernier. Communiqué de la France insoumise. La France en marche arrière, avec trois points d'exclamation. Nous remercions toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage. La France débute une grande marche arrière. Le projet d'Emmanuel Macron d'avoir une assemblée servile et aux ordres marque un point au soir de ce premier tour. Ainsi, pourrait-il mettre en œuvre sa politique qui est celle des banques et du MEDEF ? C'est celle de la casse du code du travail et des services publics et qui organise l'ubérisation de la société, c'est-à-dire la mise en concurrence de chacun contre tous dans un marché sans autre règle que celle de la jungle. C'est aussi celle de la réduction de nos libertés par la banalisation des règles de l'état d'urgence, qui est une machine à réduire les droits et libertés individuelles. La moralisation de la vie publique, faite par ceux qui s'en affranchissent, s'apparente de plus en plus au dicton « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Contre le coup d'état social et derrière les apparences souriantes et glamour, l'autoritarisme militaro-policier, une autre politique sociale, humaniste, écologique et solidaire est possible. C'est celle de l'avenir en commun, qui constitue le socle du combat de la France insoumise et du nouveau parti anticapitaliste. C'est ce combat que mèneront sans relâche les députés FI, c'est-à-dire France Insoumise, qui seront élus dimanche prochain et que nous continuerons dans notre circonscription. Signée Christine Bourbon-Schmidt, candidate à la députation, Éric Defranoux, son suppléant, et les Insoumis qui les soutiennent. ceux qui n'ont pas de travail, ce sont ceux qui n'ont pas d'emploi, pas de diplôme ou pas les bons emplois, les bons diplômes, pas des diplômes de niveau suffisant, pourrait-on penser. Eh bien, le CEREC, alors je lis de temps en temps des extraits d'articles, ce numéro de bref, numéro 354 de 2017, bulletin de recherche emploi formation, eh bien, nous dit ceci. On pourrait être étonné, mais voilà. Les débuts de carrière des docteurs, hein, ceux qui sont titulaires d'un doctorat, eh bien, sont en droit de penser que la société va leur offrir très rapidement un emploi. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Les débuts de carrière des docteurs, une forte différenciation des trajectoires professionnelles. Pour les docteurs diplômés, alors pas les docteurs en médecine peut-être, hein, pour les docteurs diplômés en 2010, le débouché principal reste la recherche. Dans la recherche publique, leur trajectoire professionnelle durant les 5 premières années de vie active sont synonymes de passages plus ou moins longs par l'emploi à durée déterminée. Ces parcours tranchent avec ceux des docteurs qui s'orientent très tôt vers les emplois du privé. La question du devenir professionnel des docteurs est au cœur des réformes récentes de la formation doctorale. Le nouvel arrêté publié le 25 mai 2016 met l'accent sur la qualité de cette formation afin de mieux valoriser le doctorat dans tous les secteurs d'activité, public ou privé, recherche ou hors recherche. Au niveau national comme international, il intègre des bonnes pratiques mises en place depuis plusieurs années par différents acteurs nationaux en matière d'encadrement, de qualité de la recherche et de préparation de la poursuite de carrière. Les données disponibles sur le devenir professionnel des docteurs montrent qu'ils connaissent une transition des études vers l'emploi souvent qualifiée de difficile, plus longue que pour les autres diplômés de l'enseignement supérieur. La majorité des dispositifs d'observation dans les universités s'attachent à fournir des photographies à 1, 2 ou 3 ans, conformément à la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche. Si ces données sont essentielles pour le pilotage des formations et la formation destinée aux étudiants, elles saisissent mal la diversité et la pluralité des trajectoires professionnelles des docteurs sur une période suffisamment longue. Partant de ce constat, le CEREC, Centre d'études et de recherche sur les enseignements et les qualifications, le CEREC et la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques ont pris le parti d'observer leur cheminement professionnel durant les 5 premières années de vie active. Cette approche longitudinale montre une stabilisation dans les emplois de la recherche publique qui se poursuit au-delà des 3 premières années, ainsi qu'une pluralité de trajectoires influencées par la discipline de thèse. Une stabilisation progressive dans l'emploi. Interroger les titulaires d'un doctorat 5 ans après leur soutenance de thèse permet d'obtenir des résultats qui tranchent avec ceux généralement produits par les observations à 3 ans. Ainsi, leurs désavantages sur le marché du travail vis-à-vis des diplômés de grandes écoles, souvent mis en exergue, s'atténuent au bout de 5 ans. Sur leur taux de chômage, si leur taux de chômage reste en moyenne supérieur, 7% pour les docteurs contre 5% pour les ingénieurs, ils accèdent davantage aux emplois de cadre et les rémunérations sont équivalentes autour de 2400 euros. Voilà, alors donc, vous voilà prévenu, si vous voulez faire des études un peu longues, eh bien, sachez que maintenant, le chômage, il tape un peu à tous les niveaux de la société. Même le PDG d'une très grande entreprise peut un jour se trouver, comme on dit, entre guillemets, remercié. Hein, voilà. Nous sommes encore en période électorale. Hein? Alors on peut se permettre de parler des uns et des autres, des candidats, des partis, des candidats. Un ministre de l'économie socialiste devenu porte-parole du patronat. 30 ans après son père, les mots du fils Gattaz sont restés les mêmes jusqu'à la caricature. Quand une bonne nouvelle était annoncée, rappelle malicieusement le Canard enchaîné, Yvon Gattaz avait coutume d'affirmer, au temps du mitterrandisme triomphant, « D'abord, je dirais qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, et nous en savons quelque chose. » Fermant les guillemets. Et son fils, Pierre Gattaz, 30 ans plus tard. « Il faut être réaliste, une hirondelle ne fait pas le printemps. » Au sujet de la dépense publique, le père disait « Ce qu'il faut abaisser à tout prix, ce sont les dépenses publiques. C'est ça le vrai problème. » Fermons les guillemets. Le fils, réouvrons les guillemets. « Le vrai problème, c'est l'ensemble des dépenses publiques. » Les charges sociales vues par le père. Les charges, on n'arrive pas à les réduire en France. Les charges des entreprises, il faut les alléger. Et par le fils, il était impératif d'avoir des mesures de baisse des charges. Quand j'entends Pierre Gattaz parler, je ferme les yeux et je plonge 30 ans en arrière, confirme un habitué des couloirs patronaux. Depuis son élection à la tête du MEDEF, Pierre Gattaz, d'une voix douce, ne perd pas une occasion de brandir deux épouvantails, le code du travail et le code des impôts. Un discours désormais perçu de façon ouvertement favorable par le gouvernement socialiste, c'est un bouquin déjà un petit peu ancien, il date d'un peu plus d'un an. Le gouvernement socialiste arrive au pouvoir en 2012. C'est la raison pour laquelle, en cet été 2013, Pierre Gattaz ne ménage pas ses compliments au ministre de l'économie, invité d'honneur du MEDEF. Vous êtes l'un des plus importants porte-parole pour nous dans ce gouvernement, lui lance le patron des patrons. Patron des patrons, c'est beau ça. Patron des patrons, ça sonne bien. Hein? Ah oui, c'est bon, ça sonne bien. Ouais. Si importante pour le MEDEF, Pierre Moscovici lui renvoie immédiatement la politesse. Le ministre de l'économie et des finances doit être le ministre des entreprises. Ah, vous voyez que Moscovici, c'était un vrai, bon, total, authentique socialiste. Hein? Doit être le ministre des entreprises. Vous vous définissez comme un MEDEF de combat. Nous devons être au combat ensemble, avec la même bataille pour la croissance et l'emploi. La croissance passe par l'entreprise et vous avez besoin pour ça de plus de souplesse, de moins de rigidité, de simplification, d'économie, d'encouragement à la compétitivité. Son auditoire jubile. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le programme du ministre de l'économie et celui du MEDEF. Le ministre promet même que la hausse des cotisations pour financer les retraites sera intégralement compensée par une baisse des cotisations patronales dès 2014. Autrement dit, la réforme des retraites sera essentiellement supportée par les salariés. De même, le crédit d'impôt CICE de 20 milliards d'euros destiné aux entreprises sera sans contrepartie et sans contrôle fiscal. J'ai oublié de dire, le livre dont j'ai tiré ces deux pages-là, malheureusement en faisant des photocopies, j'ai masqué les pages, c'est les pages 12 ou 13 par là, hein, au tout du bout du livre. Eh bien, ce livre en tout, il fait 790 pages. Alors si j'entreprends de lire ne serait-ce qu'une page sur 10, on en a pour un moment. Alors le titre, si vous voulez vous le procurer, c'est « Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours ». Et ils sont pas vaches parce qu'ils sont pas remontés avant 1945, parce que la période 1940-1945 de l'histoire du patronat, elle est particulièrement croustillante, si l'on peut dire. Mémoire et justice pour Jérôme. Le samedi 20 mai 2017, après une traque de 9 jours, Jérôme Laronze, éleveur à Trivi, a été abattu de 3 balles par les gendarmes dans des conditions révoltantes. Aucune situation d'irrégularité administrative en agriculture ne peut justifier qu'un paysan soit abattu comme un criminel. La situation de Jérôme et sa détresse étaient bien connues des services de l'État. Nous déplorons que ces services n'aient pas recherché la médiation lors du contrôle du 11 mai. Au contraire, c'est l'escalade dans les méthodes et les moyens qui a été employée, accentuant l'encerclement de Jérôme et sa fuite. Aujourd'hui, 2 enquêtes judiciaires sont ouvertes. Une sur les circonstances de son décès, une autre sur la façon dont les contrôles de la direction départementale de la protection des populations se sont déroulés. Il est essentiel que ces 2 enquêtes soient menées efficacement, rapidement et en toute transparence, afin de connaître la vérité, mais également de pouvoir tirer les leçons de ces enchaînements tragiques et faire évoluer les choses pour que ce drame humain ne puisse plus arriver à d'autres, paysans ou non. Amis, amis, collègues, paysans, membres de sa famille, simples citoyens, nous devons être vigilants pour que la vérité soit faite et que la justice soit rendue. Semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait tant en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Anne Thébault-Mauny, 2 points, ouvrant les guillemets, il ne doit plus y avoir de permis de tuer dans le monde du travail. Le 13 juin 2017. Au moins 2,6 millions de travailleurs sont exposés à un ou plusieurs cancérogènes, selon la dernière étude de l'Agence sanitaire Santé publique France. Pour Annie Thébault-Mauny, sociologue spécialiste des questions de santé publique, la prévention des risques professionnels doit devenir l'une des priorités de la gauche qui se reconstruira après les législatives, qui se reconstruira peut-être, j'ajouterai peut-être, et bataillera face au démantèlement annoncé des protections sociales. D'autant que le coût financier pour soigner les milliers de cancers professionnels est supporté par l'assurance maladie. Ce coût, qui devrait être payé par les industriels qui s'enrichissent en mettant la vie des travailleurs en danger, est indûment payé par la collectivité, par tous les cotisants, vous et moi. De mon point de vue de chercheuse en santé publique, la priorité de la gauche doit être la justice et la prévention des risques professionnels. Nous devons faire en sorte que certaines formes d'impunité soient brisées, notamment l'impunité de ceux qui commettent des crimes industriels. Prenons le dossier de l'amiante. On a maintenant une idée précise de ce qui s'est passé. Amiante, les industriels savaient. Les industriels savaient dès les années 1930. Moi, je corrigerai en disant dès 1908, que l'amiante présentait un danger mortel. Ils ont décidé non seulement de continuer à l'utiliser, mais d'organiser la désinformation. La désinformation, vous vous rendez compte ? Heureusement qu'on est là, RGM, hein, pour contrer la désinformation. Pour empêcher le plus longtemps possible qu'une réglementation vienne protéger les ouvriers et citoyens des dangers de ce matériau. C'est une mise en danger délibérée de la vie d'autrui qui doit être sanctionnée. Il n'est pas acceptable, ni humainement, ni politiquement, ni même économiquement, que les industriels continuent à tuer en toute impunité, simplement parce qu'ils feraient tourner l'économie. Il ne doit plus y avoir de permis de tuer dans le monde du travail. La règle doit être la même que dans le reste de la cité. L'interdit. L'Europe a montré, depuis qu'elle pouvait très bien se passer d'amiante, tout cela était donc évitable. Attentat de l'hypercachère. Le fournisseur d'armes était un facho, indique de la gendarmerie. Le Canard enchaîné confirme que le fournisseur d'armes d'Amédi Koulibaly, l'assassin de l'hypercachère de Vincennes, est un indique bien connu de la gendarmerie, ancien gros bras du FN, du Front National, et membre actif de l'extrême droite identitaire lilloise, c'est-à-dire l'extrême droite de l'extrême droite, hein. Facho notoire, trafiquant d'armes et indique de la gendarmerie. Claude Herman, 54 ans, a tout pour plaire. Ancien barbouze et ex-membre du service d'ordre du Front National. Figure connue dans les milieux de l'extrême droite identitaire à Lille, il est devenu indique de la gendarmerie en 2013, après l'avoir été durant de nombreuses années pour les douanes. Le reste du temps, ce personnage peu recommandable est gérant d'une friterie lilloise. La frite, plus loin, rit. Hérité, est un trafiquant d'armes. Sa tâche était de servir son pays, alors là, mettons des guillemets, sa tâche était de servir son pays, et il devait donner des informations aux gendarmes concernant les délinquants de tout poil, fermons les guillemets, justifie ironiquement son avocat, maître Maxime Moulin. Voilà, bon, alors on en restera là, parce qu'il y en a deux pages, comme ça c'est un peu long, et c'est pas très ragoûtant. Hein, voilà, bah oui, la police et la gendarmerie vont chercher leurs indicateurs, évidemment, dans les milieux de la pègre. Bah, voudriez-vous qu'ils les prennent, hein ? Enfin, au moins une partie, bien sûr. Mais quand même, il y a peut-être des précautions à prendre. Hein ? Ah oui, bah oui, quand même. Hein ? Faudrait savoir jusqu'où on peut aller. Alors, Amédi Koulibaly, vous voyez, on lui fournissait des armes, je dirais, presque officiellement. Hein ? Ça se demandait, en fait, qui est derrière, effectivement, vraiment, les attentats. Est-ce que ce ne sont pas certains gouvernements qui, parfois, sont tentés de monter des groupes, entre guillemets, terroristes, qui sont chargés de terroriser, surtout, je dirais presque, les électeurs, hein ? Peut-être. Bon, c'est qu'une supposition. Mais, voilà. Lettre de Jean-Luc Mélenchon aux Insoumis, 9 juin 2017. Madame, Monsieur, chers Insoumis, l'enjeu de l'élection législative a changé de nature ces dernières heures. 4 jours avant le vote, nous apprenons par le journal Le Parisien l'ampleur de la remise en cause du Code du travail prévu par le gouvernement de Monsieur Macron. 3 jours avant le vote, grâce au journal Le Monde, nous découvrons un projet de transposition dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence. Ainsi, tout le droit social et tout le système des libertés individuelles de notre pays sont désormais en cause. Dans le premier cas, il s'agit d'un coup d'État social, puisque les parlementaires ne pourraient discuter ni amender une seule des décisions prévues par les ordonnances. Pourtant, des milliers de questions très précises concernant la vie quotidienne des salariés sont en cause. La durée du travail, les salaires, le droit d'alerte et celui de retrait en situation de danger, les motifs de licenciement et ainsi de suite. Un siècle de lutte et de compromis sociaux vont être abrogés. Mes excuses, une autre lettre. Mes excuses, Monsieur le Président. Alors, je ne peux pas vous dire s'il s'agit de l'ancien président qu'on vient de quitter il y a à peine un mois et ou du nouveau, celui qu'on vient d'acquérir par notre vote tellement judicieux. Mes excuses, Monsieur le Président. Je m'appelle Sébastien et je suis un Français dit « moyen ». De taille moyenne, un QI dans la moyenne et à la plume incertaine. J'ai la chance, diriez-vous, d'avoir un emploi. Moyen, lui aussi. Tant en termes d'intérêt que de rémunération. Je suis marié et père de 2 superbes enfants, en bonne santé. Mon épouse travaille, elle aussi, oui, quelle chance. Un peu plus que la moyenne. Pour résumer, c'est le bonheur. Alors, je dois m'excuser d'être exaspéré, de passer pour un éternel insatisfait et surtout d'utiliser à votre rencontre des noms d'oiseaux que la bienséance m'interdit de publier ici. Que diable se passe-t-il ? Pourquoi et comment se fait-il qu'avec une telle situation, un Français moyen souhaite informer le plus grand nombre de son désarroi ? Peut-être parce que ce désarroi, cette tristesse, Monsieur le Président, est de votre fait. Fatigué d'être la cible... Oui, excusez-moi, il fallait que j'arrête un appareil, là, parce qu'avant, il s'arrêtait tout seul quand on poussait le curseur, mais maintenant, on a changé d'appareil, et bon, donc voilà, donc ça prend une petite seconde. Fatigué d'être la cible de toutes vos réformes fiscales, fatigué d'être la vache à lait qui doit toujours faire plus d'efforts quand ceux qui vous le demandent n'en font pas, fatigué de voir fondre comme neige au soleil le fruit de mon travail. En tant que simple salarié, vous devinez bien que mon revenu est bien loin d'égaler 10% du vôtre. Celui de mon épouse, non plus. Nous sommes propriétaires d'un emprunt, c'est de l'humour sans doute, auprès d'un propriétaire foncier. Je dis peut-être car au rythme où vont les choses, je ne vois plus vraiment l'intérêt de garder ce toit qui me coûtera en taxes, nous dirons, un mois de salaire. L'emprunt, lui, représente environ 7 à 8 mois de salaire. Les impôts sur le revenu comptés environ pour 1,5 mois de salaire, et j'y reviendrai ultérieurement, vont me coûter plus de 2 mois dès l'an prochain grâce à vos réformes. Ah, il s'agit du nouveau président donc. Nous allons travailler car je ne travaille pas chez moi, bien entendu. J'ai besoin d'un véhicule. À moi, pas à moi, il est diesel, excusez-moi encore, et plutôt jeune, mais de marque allemande. Ah, zut, là aussi j'aurais dû m'excuser. Donc, consomme assez peu. Ceci dit, sur l'année, je consomme près de 2 mois de salaire en carburant. Voilà où passe mon salaire annuel. Aïe, à ce tarif-là, je n'ai toujours pas mangé. Je ne suis pas habillé. Je ne fais pas de travaux dans cette maison qui vieillit. Je n'ai pas payé mes assurances, mes téléphones, l'école, la cantine, la garde des enfants, les soins d'hiver, ni tout le reste. Vous comprendrez que je suis encore loin du compte pour avoir l'impression de vivre. Vivre, entre guillemets. Vous avez pour mission de gérer un pays, Monsieur le Président. Commencez peut-être par écouter vraiment ceux qui le peuplent. Et j'insiste sur écouter vraiment. Peut-être avez-vous besoin d'un peu d'aide pour en entendre. Aussi, j'invite tous les Français moyens, ceux-là même, qui travaillent pour que vous viviez à nos crochets, qu'ils soient salariés, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, fonctionnaires, black, blanc, Uber, tous ceux qui ont un sens civique, tous ceux qui gueulent dans leur coin souhaitant que les autres bougent pour faire avancer les choses, tous ceux qui sont fatigués de voir notre pays aller à volo, J'invite donc tous les Français à rejoindre cette page, à se faire connaître, à donner leur point de vue, sans haine, sans parti pris politique. Temps étant passé, cette constitution avait été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel, dans des conditions exceptionnelles, pour faire face à un contexte exceptionnel. Ce temps est révolu. Mais il en reste un texte qui ne doit pas tomber dans certaines mains, car il offre à la monarchie présidentielle des moyens incroyables de pouvoir absolu. L'un après l'autre, ces pouvoirs ont été utilisés. Qui pourrait oublier ici comment, contre l'avis du peuple, mobilisé et du Parlement garrotté, a été déclenché le feu de l'article 49.3 de la Constitution. À 6 reprises, 3 fois pour imposer la loi Macron, 3 fois pour imposer la loi El Khomri. C'est par ce moyen de violence incroyable dans une grande démocratie qu'a été inversé de fond en comble tout l'ordre public social de notre République. J'en déduis que si je suis élu, bien sûr, il faudra tout de suite abroger la loi Macron, abroger la loi El Khomri. La nouvelle Constitution devrait rendre intouchable la trame fondamentale de l'ordre public social républicain. Il ordonne que soit placée au sommet de la hiérarchie des normes la loi voulue par le peuple et que les autres accords de branche ou d'entreprise ne puissent qu'améliorer la loi. On ne doit plus supporter qu'il soit possible d'édicter un code du travail par entreprise sous la menace du chômage. Pas davantage qu'on imaginerait un code de la route par rue sous la dictée des chauffards. La nouvelle Constitution doit être sociale d'abord. Elle doit permettre de répliquer aux ravages des politiques de délocalisation dont une sur deux, compte tenu de la mise en compétition de tous contre chacun, s'opère à l'intérieur de l'Union européenne qui était censée nous protéger. Et contre le pillage, le saccage des entreprises, il nous faut encadrer la liberté aujourd'hui absolue, qui est celle des actionnaires, qu'il s'agisse de personnes ou de fonds financiers, qui sont autant de parasites et de sangsues posés sur le corps productif. Pour cela, les travailleurs doivent recevoir des droits constitutionnels qui les rendent citoyens dans l'entreprise, puisque la République, qui a vaincu les monarques dans la cité, les y a laissés serfs. Il faut qu'ils aient le droit de remontrance et de défiance contre les décisions qui mettent en danger la pérennité de l'outil de production. Il faut qu'ils aient le droit de préemption en coopérative, c'est-à-dire le droit de devenir pleinement et légitimement les propriétaires de l'outil de travail quand celui qui les possède prétend les vendre. J'ai commencé ma démonstration du grand changement qu'il faut opérer dans l'organisation de notre démocratie par ces questions sociales. Oui, j'ai voulu balayer tout de suite l'idée que faire une constitution, ce serait au fond s'occuper de choses assez abstraites qui ne concerneraient que l'organisation des pouvoirs publics. Non ! Écrire une constitution, c'est décrire le type de société dans lequel on veut vivre en disant quels sont les droits que l'on se reconnaît les uns envers les autres et les uns envers les autres avec la nature. Notre projet est celui d'une société bienveillante et douce pour ses membres. Une société pacifique et démocratique, soucieuse de la dignité de chacun et des moyens d'y pourvoir. Une société qui veut vivre dans l'harmonie entre ses membres, qui ne supporte pas la misère et la pauvreté au milieu de l'opulence. Une société qui trouve enfin le chemin de son harmonie avec l'écosystème naturel, notre patrie commune à nous tous, les êtres humains. En convoquant une assemblée pour écrire cette constitution, nous utilisons une méthode qui, de fait, met fin au règne des hommes et des femmes providentiels, des comités d'experts de toutes sortes qui, sans cesse, se substituent à l'intelligence collective que le forme le peuple tout entier. Il ne peut pas être question que, comme en 1958 cela fut fait, un petit comité d'amis rédige un texte qui convienne au chef et le propose ensuite au suffrage du peuple comme un plébiscite personnel. Dans ces conditions, C'est une assemblée qui doit être constituante. Elle doit prendre le temps de faire son travail. En écoutant ses membres et en écoutant surtout beaucoup le pays lui-même. Il y a urgence à abolir la monarchie présidentielle actuelle. Écoutez-moi, je sonne l'alerte. Mesure-t-on bien aujourd'hui les dangers que ce texte permet si son usage tombait entre certaines mains d'apprentis sorciers? L'article 16 de la Constitution actuelle donne des pouvoirs spéciaux, absolus, au président de la République, sans contrôle, pendant 30 jours. L'article 35 donne la possibilité au gouvernement d'envoyer des troupes à l'étranger sans vote du Parlement pendant 4 mois. L'article 36 permet au Conseil des ministres de décréter l'état de siège pour 12 jours et de transférer le pouvoir aux militaires. C'est le transfert qu'on a eu, c'est pas les militaires. Ils servent et ils obéissent, comme c'est leur rôle, pour la patrie. L'article 13 donne au président le droit de nommer les titulaires des plus hautes fonctions civiles et militaires. J'arrête là une liste que je pourrais allonger. Beaucoup de ces dispositions ont déjà été utilisées. Mais j'alerte, elles pourraient être de nouveau utilisé dans d'autres circonstances et pour d'autres objectifs. Françaises, Français, ne confiez pas, fût-ce pour une période transitoire, de tels pouvoirs à des gens déterminés à en faire l'usage qu'ils vous annoncent déjà quand ils se prosternent devant l'ethnie ou devant l'argent. Dans l'ambiance actuelle de l'Europe et dans l'ambiance actuelle de la France, est-il raisonnable qu'un tel pouvoir personnel soit ainsi placé hors d'atteinte? Les gens ici assemblés proposent à la France d'y mettre fin. Je vous propose, au contraire, de maintenir en toutes circonstances une capacité d'intervention directe du peuple en sorte. Merci. Merci. En sorte qu'à tout moment, et du moment qu'en seraient réunies des conditions qui seraient à fixer, comme le nombre des pétitionnaires, un référendum puisse être organisé qui autorise la fin du mandat de n'importe quel élu, du maire, conseiller général, et bien sûr aussi du président de la République. À nous, qui sommes les témoins et les porte-parole de la force du peuple, voici notre maxime. Quel que soit le problème, la solution est le peuple. Mais après, que tant de cupidité, tant d'exaltation absurde du pouvoir de la richesse, qui ne se concentre qu'au prix de la misère des autres. Bref, notre peuple a été divisé, notre peuple a été éparpillé, notre peuple a été éclaté par ses statuts précaires, ses allers-retours entre un chômage de masse et une activité provisoire. Et tout cela a marqué les esprits, tout cela a fait maintes fois perdre de vue ce qui pourtant nous était commun. Écrire une constitution tous ensemble, c'est d'abord décréter que nous sommes, qui que nous soyons, égaux en droit, et que c'est ensemble que nous nous reconnaissons mutuellement des droits. De la sorte, en écrivant la Constitution, c'est le peuple lui-même qui se refonde et s'amalgame en un tout pour redevenir la République une et indivisible. Ainsi, et pour que nous décidions, chacun de son point de vue avec son histoire et sa propre trajectoire, pour que chacun d'entre nous puisse apporter librement sa contribution à la réflexion collective, il faut par-dessus tout protéger la liberté absolue de la conscience des êtres humains que nous sommes. Bien sûr, c'est l'affaire de la laïcité. L'État et les Églises doivent être rigoureusement séparés. Il n'y a besoin pour cela que d'appliquer la loi. Sans excès d'impatience, sans mélanger ce qui tient de la loi et ce qui tient des convictions personnelles, mais avec la tranquille assurance de ceux qui savent qu'en toute hypothèse, chacun d'entre nous serait en première ligne si la liberté de l'un seul d'entre nous était mise en cause, quel qu'en soit le contenu. Au fond, il faut que la loi s'applique. Et il faut pour cela, d'abord et avant même un bavardage, qu'elle s'applique partout, à tout le monde, et dans les mêmes conditions. En particulier, tous les territoires de la République doivent bénéficier de la bienfaisance laïcité de l'État. C'est pourquoi tous les régimes concordataires, ceux d'Alsace-Moselle, de Guyane et des autres territoires concernés seront tous abrogés. Entrer encore davantage dans les devoirs que nous fixe la liberté. La liberté de conscience a un pendant évident. Une liberté humaine fondamentale, celle de disposer entièrement et absolument de soi. Il est donc temps d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, car le corps de chaque femme. Car le corps de chaque femme lui appartient absolument et exclusivement. Cette liberté doit être inscrite dans la Constitution pour ne plus jamais être soumise à des soubresauts électoraux comme ceux que l'on a pu observer dans un pays, en Pologne ou aux États-Unis, avec les résultats que l'on sait. Notre pays n'est pas protégé contre de telles infamies. Il s'agit d'un droit inaliénable et la Constitution doit le proclamer solennellement. C'est dans le même état d'esprit et avec au cœur et à la conscience d'abord l'idée de ce qu'est la dignité humaine à laquelle chacun d'entre nous aspire du plus profond de son être. C'est en pensant à cela que je défends personnellement, la Constituante en disposera, que l'on inscrive dans la loi fondamentale le droit au suicide assisté. Quand vient le moment de se mesurer à ce contre quoi on ne peut plus rien, sinon qu'opposer sa liberté de décider d'éteindre la lumière, alors il faut la main secourable qui vous y aide. Ultime liberté qui donne son sens à une vie vraiment humaine. Ces droits individuels sont nouveaux, bien sûr, comme le sont les circonstances et les moyens qui ont permis qu'ils émergent. On ne pouvait pas plaider, bien sûr, pour la liberté et la neutralité du net avant qu'il existe. Mais puisqu'il existe, alors c'est une liberté fondamentale et il faut la garantir. L'œuvre constituante doit répondre aux défis de son temps et d'abord à celui qui est lancé à toute la communauté humaine et qui met en cause la pérennité de la civilisation elle-même. Pour l'heure, le plus grand de tous les défis et la plus grande responsabilité avant toute chose pour une grande nation techniquement avancée comme la nôtre, c'est que le changement climatique est commencé et qu'il faut savoir si l'on y répond chacun pour soi ou tous ensemble. Nous n'avons pas besoin de changer la Constitution pour mettre en place la planification écologique, passer au 100% d'énergie renouvelable, sortir du nucléaire et rompre avec l'abominable agriculture chimique qui aujourd'hui empoisonne et malforme les générations qui viennent. Mais si on n'en a pas besoin pour tout cela parce que la loi y pourvoira, nous avons cependant le devoir de nous fixer une règle générale impérative qui nous oblige à changer nos manières de produire et d'échanger et de consommer. Cette règle... Voilà, eh bien, c'était un extrait d'un discours de Jean-Luc Mélenchon qui avait pour thème principal la Constitution. Eh bien, il y a un autre personnage qui a été à l'origine d'une Constitution, celle de 1958, c'est le général de Gaulle. Et quelques années avant 1958, le 18 juin, c'est bientôt le 18 juin, le 18 juin 1940, il a lancé un appel depuis Londres. À une époque où les gens qui étaient disposés à résister à l'occupant nazi, etc., n'étaient pas encore très nombreux. Hein. Et alors, Jean-Luc Mélenchon disait que la Constitution de 1958 avait été faite pour un homme particulier, dans des conditions particulières. Et que cette constitution, maintenant, elle avait besoin d'être changée après pas mal d'années. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'entendre le discours, l'appel du 18 juin 1940, qui a été entendu par très peu de personnes, parce qu'il aurait fallu savoir à l'avance que le général de Gaulle, déjà, il aurait fallu savoir qu'il existait, le connaître. Hein, très peu de gens, à part dans l'armée, connaissaient le général de Gaulle. Si, peut-être ceux qui avaient lu les livres qu'il avait écrits, mais ces livres étaient destinés surtout à l'état-major, aux militaires, hein, donc le grand public le connaissait assez peu, et puis il était général depuis peu de temps. Paul Reynaud l'avait fait nommer général pour qu'il puisse aller négocier avec le gouvernement britannique. Il lui fallait qu'il ait le grade de général, hein, voilà. Et à titre temporaire, bon, il est resté général par la suite, bien sûr. Et il a prononcé ce discours du 18 juin 1940, qui est entendu par très peu de monde, mais le peu de monde qui l'ont entendu, bien, l'ont répété autour d'eux. Et puis, il a été rediffusé par la suite, et puis les choses ont suivi leur cours. Mais encore fallait-il qu'il y ait un début. Et les gaullistes, à cette époque-là, ils étaient très peu nombreux. Et pendant un certain temps, il n'y a que de Gaulle lui-même qui était gaulliste. Hein. Et encore, il avait sans doute des moments de doute. Hein. Et c'est devant sa glace qu'il a pris la décision de faire cet appel à la résistance, en sachant parfaitement qu'il était dans l'illégalité. Ben oui, parce que la légalité, c'était le gouvernement Pétain qui avait été élu par le Parlement à Versailles, et, sauf à l'unanimité, moins 80 voix. Hein, et que de ce fait, de Gaulle, prenant la parole de cette manière-là, en quittant le territoire français rapidement comme il l'a fait, clandestinement, quasiment, enfin, parce qu'il y en a qui l'ont vu s'envoler et qui auraient bien voulu l'empêcher de s'envoler, mais ils n'ont pas pu, il les a pris par surprise. Eh bien, De Gaulle était dans l'illégalité. Son discours était dans l'illégalité totale. Simplement, son action, qui est tout aussi illégale qu'elle était, était parfaitement légitime. Illégale et légitime. Alors, maintenant, je vous invite à écouter ce discours du 18 juin 1940. Et à l'époque, c'était très courageux de faire ce genre de discours. Voilà, par rapport à l'opinion publique, par rapport à ce que les gens pouvaient penser. Parce que beaucoup de gens donnaient raison allaient donner raison pas mal à Pétain pendant un certain temps, avant de s'apercevoir que, après avoir été pétainiste pendant 4 ans, eh bien, ils étaient devenus gaullistes quelques temps après. Ah oui, voilà. Les choses évoluent comme ça. Here is a statement in French of great importance to our French listeners by General de Gaulle, who was Undersecretary for War in Monsieur Paul Reynaud's cabinet. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le Général de Gaulle. Général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appelle l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi.

candidat, on s'attaque aujourd'hui au programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors, quelles sont les principales propositions de Jean-Luc Mélenchon? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Comme d'habitude, commençons par les propositions visant à améliorer la démocratie. Mélenchon, il est favorable à une 6ème République, c'est même au cœur de son programme, mais de quoi s'agit-il? Pour comprendre la 6ème République, il faut comprendre ce que Mélenchon reproche à la 5ème. Selon lui, notre régime politique actuel est une monarchie présidentielle avec un parlement soumis au pouvoir exécutif. Autre reproche, les politiques sont intouchables, irresponsables devant la population et le citoyen manque de pouvoir. Alors, si Mélenchon est élu, comment se déroulera la mise en place de la 6ème République? D'abord, une assemblée constituante sera formée après une validation par référendum. Cette assemblée, elle sera tout simplement chargée de rédiger la nouvelle constitution. Au sein de cette assemblée constituante, il y aura des personnes élues, des personnes tirées au sort, mais aucun parlementaire de la 5ème République. Et une fois que la nouvelle constitution sera finalisée, elle sera soumise au référendum. Dans son programme, Mélenchon énonce un certain nombre d'éléments qu'il aimerait bien voir dans la 6ème République, parmi lesquels la suppression du Sénat ou encore l'élection de l'Assemblée à la proportionnelle. Mélenchon souhaite aussi rendre inéligible à vie une personne condamnée pour corruption et interdire les lobbies au Parlement. Quant à la remise du pouvoir aux citoyens, elle se traduirait notamment par le droit de révoquer un élu en cours de mandat, le droit de vote à 16 ans ou encore l'utilisation plus fréquente du référendum. On passe maintenant à un volet majeur d'un programme, l'économie. Pour Mélenchon, la solution à la crise n'est pas l'austérité ou la baisse des charges, mais la relance par l'investissement. Cet investissement, Mélenchon souhaite le porter à 100 milliards d'euros et le concentrer sur la transition écologique que je vais évoquer dans quelques instants. Mélenchon souhaite augmenter les salaires avec une revalorisation du SMIC de 16% et ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation pour une retraite complète. Pour protéger les salariés, Mélenchon propose ce qu'il appelle une sécurité sociale intégrale et l'objectif c'est tout simplement le remboursement de l'intégralité des soins médicaux. Pour ce qui est des plus hauts salaires maintenant, Mélenchon souhaite deux choses. D'abord, au sein d'une entreprise, le plus haut salaire ne doit pas dépasser de 20 fois le plus bas salaire. Ensuite, Mélenchon propose de taxer à hauteur de 100% l'intégralité des revenus au-dessus de 20 fois le revenu médian. Concrètement, ça veut dire la mise en place d'un salaire maximum à 33 000 euros par mois. Enfin, sur le temps de travail, Mélenchon souhaite une réelle application des 35 heures, considérant que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et se dit prêt à discuter des 32 heures. Autre volet important du programme de Mélenchon, l'environnement. Au centre de sa planification écologique, ce qu'il appelle la règle verte, il souhaite d'ailleurs qu'elle soit inscrite dans la Constitution. La règle verte, c'est assez simple, ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. Sur l'énergie, Mélenchon souhaite la sortie du nucléaire avec un objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Vous le savez, la lutte contre le réchauffement climatique passe par une bonne isolation des bâtiments, c'est la raison pour laquelle Mélenchon souhaite assurer l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Enfin, il souhaite développer les transports écologiques et se dit fermement opposé aux OGM ou aux gaz de schiste. Voyons désormais la position de Mélenchon sur l'Union européenne. Mélenchon est hostile aux traités budgétaires signés par les États, notamment la fameuse règle des 3% de déficit, qui ont entraîné des mesures d'austérité partout en Europe. Mélenchon veut donc négocier un nouveau traité budgétaire, et s'il obtient ce qu'il souhaite, il le fera soumettre aux Français par référendum. S'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite, Mélenchon soumettra au référendum le maintien ou non de la France dans l'UE, et refusera d'appliquer, quoi qu'il arrive, la règle des 3%. Ça, c'est pour l'Europe, voyons voir désormais ce que propose Mélenchon en matière d'éducation. Déjà, c'est le candidat qui propose de créer le plus de postes d'enseignants avec un total de 60 000 durant le quinquennat. L'autre grande mesure de Mélenchon sur l'éducation concerne les écoles privées. Mélenchon souhaite mettre fin aux subventions des écoles privées pour concentrer cet argent sur l'école publique. Mélenchon souhaite aussi rendre l'école réellement gratuite. Fourniture, manuel, la cantine, abonnement au transport public, tout sera pris en charge par l'État. Enfin, Mélenchon souhaite augmenter le salaire des enseignants, notamment à l'école primaire, alors que l'éducation nationale peine à recruter. Ça, c'est pour l'éducation nationale, mais que propose-t-il pour l'enseignement supérieur? Déjà, comme pour l'école, Mélenchon propose une gratuité de l'université, alors que les droits de scolarité sont de près de 200 euros aujourd'hui, mais aussi un doublement du budget de l'enseignement supérieur. Enfin, Mélenchon prévoit une allocation d'autonomie de 800 euros sur 3 ans, dont les conditions exactes restent à préciser, mais aussi 15 000 logements étudiants supplémentaires. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, 3 choses pour nous soutenir: vous pouvez laisser un maximum de pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et partager la vidéo à vos proches si elle est susceptible de les intéresser. Évidemment, je n'ai pas pu parler de tous les points de son programme, l'idée c'était de faire un focus sur les points les plus importants, et ne vous inquiétez pas, les autres candidats arrivent dans les semaines à venir. En tout cas, vous retrouvez dans la description des liens pour en savoir plus, n'hésitez pas à débattre du programme de Jean-Luc Mélenchon dans les commentaires, et nous on se dit à très vite. Voilà ce qu'on a raté parce qu'on a mal voté en moyenne, en général, hein, parce que en particulier, chacun a fait ce qu'il a voulu, hein, bien sûr. Et il va falloir pendant 5 ans subir le régime actuel qui est en train de se mettre en place avec toutes les dérives, les excès auxquels on peut s'attendre, bien sûr. Hein. Enfin, pendant 5 ans, si on ne réagit pas suffisamment, pas suffisamment vite, pas suffisamment fort pour empêcher les dégâts de continuer. Voilà. Alors je vous propose la deuxième partie du disque, là, l'appel du 18 juin de 1940. Et la deuxième partie, bien, c'est le discours qu'a fait De Gaulle, le général De Gaulle, à la préfecture de Paris, après la libération, hein, le 25 août 1944. Et pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici? Qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Eh bien, puisque Paris est libéré, puisque l'ennemi qui le tenait a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris chez elle. Elle y rentre sanglante, mais elle y rentre bien résolue. Elle y rentre éclairée par d'immenses leçons, mais elle y rentre plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits. Je dis d'abord de ses devoirs, et je les exprimerai tous pour le moment, en disant qu'il s'agit de la guerre. L'ennemi chancelle. L'ennemi n'est pas encore abattu. Il en reste sur notre territoire. Et il ne suffira pas que nous l'ayons, avec le concours de nos chers et admirables alliés, chassés de chez nous, pour que nous nous tenions pour satisfaits. Après ce qui s'est passé, nous voulons sur son territoire entrez comme il se doit en vainqueur. Bravo ! C'est pour cela que l'avant-garde française est entrée à Paris à coup de canon. C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a débarqué dans le Midi et remonte rapidement la vallée du Rhône. C'est pour cela que nos braves et chères forces de l'intérieur vont devenir des unités modernes. C'est pour avoir cette revanche, cette vengeance et en même temps cette justice que nous saurons continuer de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète, la seule qui puisse nous satisfaire. Tous les hommes qui sont ici, tous ceux qui nous entendront en France, savent bien qu'il comporte d'autres devoirs, dont le principal s'appelle l'unité nationale. La nation n'admettrait pas, dans la situation où elle se trouve, que cette unité-là soit rompue. La nation sait bien qu'il lui faut pour vaincre, pour se reconstruire et pour être grande, il lui faut avoir avec elle tous ses enfants. La nation sait bien que ses fils et ses filles, tous ses fils et toutes ses filles, hormis quelques malheureux traîtres qui se sont livrés à l'ennemi, où lui ont livré les autres et qui connaissent ou connaîtront la rigueur des lois, hormis ceux-là, tous les fils de la France marchent et marcheront fraternellement pour les buts de la France, la main dans la main. Mais cette grande, noble discipline nationale que le gouvernement réclame de tous les citoyens, cette grande et noble discipline nationale n'empêche pas, bien au contraire, la nation d'avoir conscience de ses droits. Je dis ici, parce qu'il faut qu'on l'entende, qu'après ce qui s'est passé en 40, après l'abdication que vous savez, et après l'usurpation odieuse, il n'y a pas d'autre voie pratique et acceptable pour que le peuple fasse entendre sa voix que le suffrage universel et libre de tous les Français et de toutes les Françaises, dès que les conditions dans lesquelles se trouve la nation permettront de passer la parole au peuple, c'est-à-dire au souverain. De la France sont aussi des droits intérieurs, des droits qui intéressent tous ses enfants et qui par conséquent l'intéressent elle-même d'une façon vitale. Nous ne voulons plus, quand nous aurons la possibilité de le faire, nous ne voulons plus que dans la nation, aucun homme, aucune femme puisse redouter la faim, la misère, le lendemain. Nous voulons des Français et des Françaises dignes, dignes d'eux-mêmes, dignes d'elles-mêmes et dignes du pays. Nous voulons pour chacun, en France, des conditions d'existence qui soient à la hauteur de ce qu'un homme et une femme ont le droit de réclamer. Mon général, un mot sur Paris. On me demande un mot, je n'en ai qu'à dire vive Paris, vive la France. Bravo, merci. Voilà, un accueil donc triomphal à celui qui, enfin, à un de ceux, mais à un de ceux qui a joué un des plus grands rôles, pour la libération de la France. C'était pas court fait, hein. Le 25 août 1944, des communes comme le Valtin, par exemple, dans les Vosges, étaient loin d'être libérées. Il a fallu attendre le 5 février 1945, hein. 28 août 44, 5 février 1945. Hein, vous voyez, les choses ne se feront pas si facilement que ça. Hein. C'est facile de tomber dans la dictature. Hein. Les Allemands, en 1932, avaient 6 millions de chômeurs, comme nous avons actuellement en France, 6 millions. Et désespérés par le chômage, la misère qui s'ensuivait, eh bien, ils ont écouté les discours d'un certain Adolf Hitler. Et puis il l'a écouté de plus en plus attentivement, et puis ils ont fini par voter pour lui. Et bien oui, lorsqu'il était au pouvoir, ben, il a lancé, il a fait baisser le chômage, ah oui, oui, oui, oui, radicalement, rapidement, en relançant l'économie de guerre, en relançant l'industrie de l'armement. Ah oui. Mais alors, ben, évidemment, tout cet armement, il a bien fallu qu'il serve un jour, ah oui. Donc l'invasion de la Pologne, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, l'Afrique du Nord, la Russie, la Pologne, etc., etc. Voilà. Et 6 millions de chômeurs, ben, ça fait 60 et quelques millions de morts, finalement. Deuxième guerre mondiale. Alors il faut être très attentif à la façon dont on choisit nos gouvernants, parce que quelquefois, ça peut être tentant pour eux d'utiliser des méthodes violentes. Hein, pour résoudre les problèmes, pour trouver une solution qui permette de donner l'impression au peuple qu'on résout les problèmes. Hein, oui, bon, voilà, à ce moment, il y a beaucoup de... On parle beaucoup des attentats, de... Oui, oui, oui, bien sûr, mais Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion pour détourner les électeurs des problèmes qui les concernent plus directement ? Hein, faudrait savoir ce qu'il y a derrière ça exactement. Hein, je rappelle qu'il y a eu un attentat à la gare de Boulogne, je ne sais plus quelle année. Un type avait placé une bombe dans une consigne automatique. Il y a eu quelques dizaines de morts, je ne sais plus les chiffres exacts. Beaucoup de blessés. C'est pour ça qu'il n'y a plus de consigne automatique dans les gares maintenant. Eh bien, celui qui avait fait ça, eh bien, c'était pas un Italien. C'était pas quelqu'un des brigades rouges ou des chemises, je sais plus quoi, à l'époque, des groupes soi-disant terroristes, soi-disant de gauche. Eh bien, non, c'était un Français. Il s'appelait Paul Durand. Et il était membre de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. C'est-à-dire qu'il était chargé, payé, pour lutter contre l'espionnage, contre l'action des étrangers sur les territoires français en matière politique, militaire, diplomatique et autres. Hein, voilà. Alors vous voyez, comme quelquefois des individus sont manipulés pour faire commettre des actes qui permettent de manipuler la foule. Hein, eh oui, et quelquefois on peut être amené à voter dans un sens alors qu'on aurait peut-être dû voter dans le sens inverse. Alors j'ajoute à ça aussi que quand le général de Gaulle est arrivé en Normandie, il était dans une petite ville, peut-être Lisieux, je ne sais plus, et les gens criaient « Vive de Gaulle, vive de Gaulle !» Il l'applaudissait, lui qui savait très bien qu'en 1940 il était très peu connu. Hein, il s'est dit, tiens, tout d'un coup, je suis connu. Alors, faisant semblant d'être étonné, il se retourne vers un de ses suivants, on va l'appeler André Malraux, par exemple, et il lui demande qui sont tous ces gens qui nous acclament. Eh bien, Malraux lui dit, eh bien, ce sont des gaullistes, mon général. De Gaulle fait, fort bien, Malraux. Nous avions 40 millions de pétainistes. Eh bien, maintenant, nous avons 40 millions de gaullistes. Cela nous fait donc 80 millions de Français. Vous voyez, il avait peu d'illusions hein, sur les gaullistes. Alors, les gaullistes qu'il a eus autour de lui à partir de 1958, certains étaient des gaullistes authentiques, auraient été des gaullistes dans les années 40, qui auraient fait partie de la résistance, des forces françaises libres à Londres ou en Afrique, ou des forces françaises de l'intérieur sur le territoire national. C'est sûr, il y en a, il y en avait. Il y en avait, il y en a, bien sûr, mais c'était loin d'être la majorité. Il y a beaucoup qui étaient des gaullistes, on dirait, d'opportunités, opportunistes. Hein. Ben oui, ben parce qu'ils avaient le sens des affaires, ils avaient le sens de l'opportunité, de l'occasion à saisir. Hein. Et ceux-là aussi, ils les connaissaient, ils n'avaient pas d'illusions à se faire sur eux, bien sûr. Voilà. Alors, le Conseil national de résistance avait pris un certain nombre de décisions. Il s'agissait de lutter, entre autres, contre l'extrême pauvreté dans laquelle se trouvait le peuple français, créer la sécurité sociale, etc., reconstruire des logements, les lignes de chemin de fer, etc., etc. Eh bien, tout ce qui était possible dans une France qui était en ruine, qui était ruinée par la guerre, il y avait encore 1 600 000 de prisonniers qui étaient derrière les barbelés en Allemagne. Ils n'avaient pas encore été libérés, hein, la guerre n'était pas terminée, le 25 août 1944, loin de là, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, voilà, donc des gaullistes. Alors, il y avait les gaullistes des années 1940, 40-45, hein, ceux qui étaient gaullistes entre le 10 mai 1940 et le 10 mai 1945. On peut dire que ceux-là, c'était des gaullistes historiques, sincères, patriotes, voilà. Et puis les autres, c'est comme toujours. En toutes les périodes, il y a des opportunistes. Hein, voilà. Hein. Thank you. Là-bas. Ce n'est pas tout. Si vous supprimez une référence commune que serait une convention collective de branche pour ce qui concerne les salaires, vous n'aurez pas seulement détruit le code du travail, les heures, etc. Vous détruirez autre chose, un autre modèle fondamental de la République française. C'est le lien qu'il y a entre l'école et l'entreprise. Et je vais vous dire lequel. C'est la République sociale qui sera détruite, car aujourd'hui, tous les diplômes professionnels de ce pays, tous, sans exception, sont négociés dans des commissions particulières avec le patronat de la branche considérée, les représentants de l'État et ceux des syndicats. Et une fois que cette négociation a lieu et que le référentiel est créé pour le diplôme professionnel, eh bien ce diplôme, il est ensuite positionné dans la hiérarchie d'une convention collective. Il y a les diplômes de niveau 5, de niveau, etc., etc., bac pro et compagnie. Et donc, vous voyez le lien qu'il y a entre un diplôme national, reconnu nationalement, avec un référentiel commun, et une convention passée à l'intérieur d'une branche. C'est ce qui permet d'organiser la hiérarchie des qualifications et leur rémunération. C'est aussi ça qui sera détruit par la négociation dans chaque entreprise. Et alors, vous verrez surgir leurs foutus certificats de compétences qui sont l'aptitude d'un travailleur à occuper tel ou tel poste de travail à condition qu'il amène un certificat de compétences. Et où se le procurera-t-il, je vous prie, dans une école qui sera là juste à côté? Et qui paiera cette école? Justement la boîte qui demande le certificat de compétences. Parce que ça s'est vu dans d'autres pays. Par conséquent, ne croyez pas que cette question de la destruction du code du travail soit une question limitée au code du travail lui-même. Elle touche dans toute sa transversalité l'organisation des bases qui existent au terme d'un siècle et demi de lutte de classe dans notre pays pour obtenir la reconnaissance des qualifications ouvrières et une manière de vivre tous ensemble. C'est tout cela qu'ils vont détruire. C'est pour ça qu'ils veulent les pleins pouvoirs. Parce que si la discussion avait lieu librement, il y aurait des gens de toutes sortes qui feraient apparaître point par point que ce projet est tout simplement un projet de contre-réforme, un projet de contre-révolution, une violence sociale terrible contre un siècle et demi d'histoire de notre pays et de progrès social. Voilà à quoi serviront les pleins pouvoirs. Mais je peux continuer. Sur les institutions, rien. Il est partisan de la Ve République. Mais paraît-il, il veut diminuer le nombre des élus. Et il y a assez de démagogues pour dire oui, oui, quelle bonne idée. Diminuer le nombre des endroits où il y a des assemblées démocratiques. Oui, oui, le millefeuille. Viennent glapir ceux qui l'ont organisé. Mais supprimer, comme ils disent, c'est abolir les communes. Les communes sont la matrice de la liberté des Françaises et des Français. C'est là qu'a commencé la République. Elle a commencé à Istres, avec la première assemblée communale. Et ainsi de suite, supprimer des élus est un argument démagogique qui est simplement destiné à montrer que les élus ne représentent rien, seul le monarque est quelque chose d'important. Puisqu'il en est à vouloir supprimer des gens qui servent à rien ou qui sont nuisibles, qui commencent par sa propre fonction. Rappelez-vous les gens, si vous le laissez faire, si vous ne vous saisissez pas du bulletin de vote avec toute l'énergie dont vous êtes capable, souvenez-vous que pendant ce quinquennat, il y a 19 réacteurs nucléaires qui arrivent au terme de leur durée de vie. Et que cet homme pense que le nucléaire, c'est l'avenir, et que cet homme va les faire recaréner de manière à ce qu'il puisse continuer encore 60 ans. Voilà ce qu'il a l'intention de faire. C'est un danger public. C'est l'occasion ou jamais de dire non au nucléaire. Il faut en sortir. C'est le moment de le dire. C'est le moment de dire que vous ne voulez pas de l'accord CETA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange avec le Canada. Et je vous rappelle que si vous ne le dites pas en élisant des députés qui s'y opposent, Alors vous aurez des députés qui le voteront, la main levée et en se cachant les yeux pour ne pas voir la catastrophe dont ils vont être responsables. C'est le moment de dire une fois de plus avec vos bulletins de vote que nous n'acceptons pas qu'à peine l'élection soit terminée en France, Monsieur Juncker revienne nous dire que nous dépensons trop. Lui qui est un voleur, qui a organisé le rapt des impôts de tant de pays en accueillant au Luxembourg et en renégociant avec ses entreprises le montant des impôts. Cet homme n'a pas à venir nous dire que nous dépensons trop. Ce que j'ai à lui dire, c'est qu'il nous coûte beaucoup trop et il nous a coûté beaucoup trop. Je déplore que le président Macron ait déjà annoncé qu'il rayerait 50 milliards du budget de l'État. 50 milliards, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Cet homme va retirer du budget de l'État l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Voilà la catastrophe qui s'annonce à l'horizon des finances publiques françaises. Voilà à quoi le bulletin de vote sert dans cette élection. Voilà pourquoi nous devons dire et convaincre qu'on peut renverser la situation, que c'est le moment ou jamais avec une élection législative, parce que sinon après, il ne restera plus que la manifestation, il ne restera plus que tout ce travail que nous avons tant de fois fait, refait, recommencé, et qu'on préférerait s'éviter toutes ces souffrances, s'éviter le fait d'être contre alors qu'on a tellement envie d'être pour, et qu'on a tellement envie d'être pour appliquer un beau programme qui change le pays, qui change la vie, en bien, en mieux. Pour faire bref et résumer notre intention, je dis, la France insoumise propose aux électrices et aux électeurs d'organiser une nouvelle cohabitation, c'est-à-dire de mettre en échec la construction de la majorité macroniste dans ce pays. Et pour cela, il faut que chacun prenne ses dispositions. Ce n'est pas rien si Kant, en proposant à Benoît Hamon de se retrouver en vue de faire campagne présidentielle ensemble, j'avais indiqué dans mon texte, comme condition numéro 1, aucun accord ni aux législatives ni aux présidentielles avec M. Macron. Je vous renvoie à ce texte parce qu'il vous permettra de voir à quoi ça sert de ne pas être tombé de la dernière pluie. Et que, si l'expérience a l'inconvénient de l'âge, elle a l'avantage du savoir. Et qu'il y a des choses qu'on repère de loin. Il y a certaines odeurs qu'on sent avant les autres. Il faut donc faire échec et pour ça, voter avec soin. Il est exact que la plupart de nos concurrents ne servent strictement à rien si telle est l'intention des électeurs. Si vous nous suivez dans notre idée, que vous avez compris qu'une cohabitation est une bonne chose, et pour une raison, si vous voulez bien vous souvenir du fait que la cohabitation de Lionel Jospin pendant 5 ans a été un des moments les plus positifs de la vie de l'économie française, quelques reproches qu'on ait à faire à Lionel Jospin, je vous rappelle que quand le gouvernement a terminé, on avait créé plus d'emplois grâce aux 35 heures que jamais à aucun autre moment de l'histoire de France. Qu'on a rendu tous les comptes sociaux dans le vert. Je vous demande d'utiliser cet argument, nonobstant les raisons qu'on peut avoir de ne pas avoir été satisfait de ceci et de cela, dont on a payé assez cher d'ailleurs, vu le résultat qu'on a eu à l'élection présidentielle de l'époque. Mais montrons que c'est possible, que ce n'est pas le chaos, que ce n'est pas le désordre. Montrez qu'il faut que ce jeune homme soit tempéré dans ses folies par la main avisée d'un sage qui connaît de quel côté est le bonheur du peuple qui est de s'occuper du peuple. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Comment vous qualifiez ce gouvernement qui a été mis en place hier par Emmanuel Macron? Si vous deviez utiliser un adjectif, vous diriez quoi? Je dirais que c'est un gouvernement de droite. Point. Comme a dit Mélenchon exactement hier. Disons que vous Jean-Luc Mélenchon, pardon, vous pour cette familiarité. Vous me demandez un seul mot, j'essaie d'accord. de répondre selon la prescription de la question. Après, évidemment, c'est plus complexe, parce que on y trouve, en plus de ces personnalités de droite, soit qu'elles soient de droite directement issues des partis de droite, c'est-à-dire les Républicains, Modem... donc la droite historique du centre et du droit, soit que ce sont des personnalités de la société civile de droite. Je pense par exemple au directeur de l'ESSEC, qui est devenu ministre de l'Éducation. Oui, qui était le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, qui a été recteur d'académie. C'est pas seulement l'ancien directeur de l'ESSEC. Voilà, qui là, par exemple, avait écrit un livre programme sur les questions éducatives qui avait servi à inspirer les candidats de la primaire de droite, dans laquelle, par exemple, il disait, ça m'a frappé dans un compte-rendu que j'ai lu, qu'il était pour que l'enseignement professionnel, qui représente la moitié d'une classe d'âge, ne soit plus intégré à l'éducation nationale, mais qu'il soit transféré au niveau des régions. Donc là, ça casse vraiment le principal système éducatif de la classe ouvrière de ce pays et de ceux qui fabriquent les techniciens. Et c'est très, très grave, très dangereux. Donc on voit quelle est l'idéologie derrière ces personnes, même issues de la société civile. Alors, il y a justement parmi les ministres venus de la société civile des personnes qui semblent faire une relative unanimité, dont il est difficile de nier la compétence sur leur dossier. Par exemple, la nouvelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui est assez saluée, vous l'avez sans doute entendu, aussi bien du côté du patronat, que par le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui y voit une nomination rassurante. Pour votre part, comment prenez-vous le choix de Muriel Pénicaud, l'ancienne directrice des ressources humaines de Danone, et qui a travaillé il y a de longues années avec Martine Aubry? Oui, moi je pense que Muriel Pénicaud, comme d'autres dans ce gouvernement, font partie de ce qu'on appelle, c'est la mouvance dans ce pays, de l'aile droite de la social-démocratie. Hein, c'est-à-dire, effectivement, Rocard, Aubry, Delors, enfin ces personnalités qui, depuis des années et des années et des années, cherche à finalement à faire basculer ce qu'on appelait la gauche vers des politiques économiques plutôt de droite. C'est d'ailleurs à cause de cette mouvance-là qu'aujourd'hui on peut plus distinguer chez la plupart des gens entre droite et gauche. Les gens ils se disent si c'est ça la gauche alors c'est de droite. Bon, donc là on est en plein dedans, on est en plein dans l'effacement en fait de ces différences pour une homogénéité, c'est-à-dire ils pensent tous vraiment la même chose, que ce soit Bruno Le Maire, Darmanin, donc de la droite, Modem, Madame de Sarnez, ces personnalités, Gérard Collomb, Le Drian, enfin tout ça finalement c'est un groupe très homogène idéologiquement, et eux leur thèse c'est que il faut pas se fâcher avec le milieu d'affaires, donc il faut pas trop partager. Un mot de Nicolas Hulot. Jean-Luc Mélenchon a parlé hier de crève-cœur à propos de la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'Environnement. Vous diriez des choses comme ça aussi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui vous aviez une forme de sympathie et dont la nomination dans ce gouvernement vous déçoit? Bien sûr, on a beaucoup de sympathie pour Monsieur Hulot. Alors, c'est sûr que comme on le connaît, on se dit, on se met un peu à sa place et avec un peu d'empathie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Après, quand on prend du recul, c'est évident que c'est plus que décevant. Disons que c'est une situation qui est périlleuse parce que l'écologie, la protection de l'écosystème, c'est un sujet qui est trop important pour être laissé à des arbitrages entre ministres. C'est-à-dire que tout le monde, ce que se disent les observateurs, c'est qui va l'emporter entre Bercy et Hulot, entre le Premier ministre qui est pro-nucléaire, puisqu'il a été lobbyiste chez Areva, et Hulot, entre M. Macron et Hulot, qui va l'emporter? Donc là, comme ces hommes sont jetés en pâture avec des rapports de force, alors que la question écologique, elle doit être au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça, et ça doit émaner directement d'une volonté des Français de dire, nous voulons une politique de transition écologique qui préserve l'écosystème. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu des élections législatives, d'ailleurs, parce que la meilleure façon d'aider Nicolas Hulot, c'est qu'il y ait une majorité de députés insoumis à l'Assemblée nationale qui, du coup, imposeront une vraie politique de transition écologique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, compte tenu du fait que Nicolas Hulot a jusqu'à maintenant refusé d'entrer dans tout gouvernement, qu'il ait obtenu des garanties, des marges de manœuvre pour accepter cette proposition-là? Je ne sais pas. Ou alors, on peut imaginer peut-être qu'il est venu à un point de sa vie où il avait envie d'être ministre. Peut-être qu'il aurait aussi accepté d'être ministre de Jean-Luc Mélenchon, qui sait. Alors, votre objectif, puisque vous en parliez, c'est finalement que ce gouvernement soit éphémère et qu'il disparaisse après les législatives. C'est bien ça, c'est de constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, clairement, de toute façon, c'est un gouvernement de campagne électorale. Hein. La En Marche est en campagne électorale, comme d'ailleurs l'est la France Insoumise, hein, puisque ce sont les deux nouvelles formations qui ont émergé très fortement de l'élection présidentielle, laquelle a donné un signal très puissant à tous les anciens partis, enfin les partis classiques de la Ve République, qu'ils soient gros ou petits. Donc ce qui se joue effectivement, c'est maintenant la représentativité, le principe démocratique de représentativité. C'est-à-dire, les Français se reconnaîtront-ils dans leurs institutions? Alors, ils ne se reconnaissent pas dans l'institution présidentielle pour la raison que le deuxième tour était trop frustrant et qu'on ne pouvait pas faire valoir une opinion, vu que la seule opinion qui comptait, c'était non ou à l'extrême droite, qui est une opinion importante, mais pas très subtile, on va dire. Donc maintenant, ce qui se joue, c'est ça, la représentativité. Et c'est une chance, effectivement, pour les Français de conquérir un programme, celui de l'avenir en commun, avec ces éléments de mise en place de la 6e République, j'en parlais de l'écologie, mais aussi la justice sociale, parce que dans le fond, ce qui change, le dur du sujet, c'est que ceux qui ne veulent pas partager, ben nous, on veut bien partager, on veut bien qu'on partage avec nous, parce que les Français en ont marre de souffrir. Encore faut-il avoir quelque chose à partager. Et ben, ça tombe bien, la France est un pays extrêmement riche et où il y a justement beaucoup de choses à partager. Quelle leçon la France insoumise doit-elle tirer, selon vous, de la campagne et du résultat de l'élection présidentielle pour les législatives? D'abord, je pense qu'on peut être fier de ce que nous avons réalisé à la présidentielle. Nous avons mené une très très belle campagne qui a su mettre en délibération des sujets sur la question de notamment la 6e République, le droit de révoquer les élus. Par exemple, la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, le vote blanc est nul. Et cette frustration démocratique qui existe dans ce pays, on l'a vu aussi au deuxième tour, on va le voir aussi au moment des élections législatives. Je pense que c'est important que ces personnes, ces 10 millions de personnes qui s'abstiennent notamment, sentent que il y a des militants politiques qui voient qu'ils existent et qui prennent en compte cette difficulté démocratique. Ça, je crois que c'est un acquis. La question de l'environnement aussi, le fait qu'on ne peut pas mettre d'abord les questions sociales et ensuite les questions environnementales. Il faut d'abord régler la protection de l'écosystème parce que sinon, il n'y a plus d'humanité tout court. Ces choses-là sont des avancées culturelles et maintenant, il faut les faire réalité. Ça ne peut pas être que des analyses magnifiques ou des propositions extraordinaires. Il faut les faire politiques, matérielles. Et c'est pour ça que nous cherchons la victoire aux élections législatives autour de Jean-Luc Mélenchon. Sur l'Europe, la position de Jean-Luc Mélenchon, la position de la France insoumise reste inchangée. On quitte l'Union européenne si on n'obtient pas les changements qu'on demande. Effectivement, le parcours de négociation avec les institutions de l'Union européenne telles que proposées par Jean-Luc Mélenchon était clair. Nous pensons qu'il faudrait que pour la première fois il y ait en France un président de la République et un gouvernement qui revendiquent par exemple l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Nous pensons donc que c'est possible de l'obtenir, et tout en sachant que si nous ne l'obtenons pas, nous devons aussi être prêts à s'organiser dans une autre configuration avec d'autres États membres de l'Union européenne qui ne souhaitent plus être pénalisés par les politiques actuelles. Voilà, le dispositif, il reste inchangé. Merci. Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de sourdine, deux sous de combine, et t'avais ton rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin.